So I'm going so hard, motherfuckers wanna find me. The first nigga gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Going so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. Next could go over 82 when I looked at you like this shit gravy. Going so hard, this shit weird. We ain't even broke, be here. Going so hard since we here. Sony right, we be fair. Psycho, I'm libo, to go Michael. Take a pick, Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Since we here, it's only right to be fair. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. pack it up, pack it in. I came to sin. If she's with me, then you know she's the tin. I quarterback stack 'em, billion stack 'em. 8 bucks on a pocket. Game over, rap. I'm gonna get up, stand up. I'm gonna get your hands up. I was raised by loser, gonna raise the roof. I stay clean like a fresh triple beam. And in '93, it was all a dream. Fresh, don't do that ass, don't do that ass. Do the roll, hit a roll, hit a phone kick. She got a ass like a 7-tray phone. And she don't make a catch, she make a jump. Hold up. We'll be right back.

cœur d'être concentré, hein. J'ai atteint un stade où dire j'arrête, c'est ma vue par la presse. Imagine la pression, actuellement je réalise mes rêves. Je remercie Toulouse pour le support, Flo et Oli pour la vision. Nerfs sont tendus, ma daronne n'est pas à l'abri. J'ai les mains dans la mer, je touche mes pinces en dit. Et les grands cœurs comme moi, tout bien plus que des chiffres apparemment. C'est ce qu'on m'a dit une femme ce matin au travail. J'arrive en détente, j'arrive en détente. Le fume, je finance. Je fume, je finance. Appelle l'ambulance. Ah ouais, appelle l'ambulance. Je suis prêt, je te brûle sans nuance. Mes journées sont longues et mes nuits sont courtes. À l'époque, c'était tout l'inverse. Quand j'ai mal, je vais faire un tour. Je pleure du sang, j'ai taché ma veste. Je perds du temps à gratter des textes. C'est irritant, pourtant j'ai aucune limite. Quand je touche pas le sol, je fais que l'éviter. Si je veux voir quelqu'un qui parle, toi je commence. Bah déjà, pas remercier toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Yeah. We'll be right back. café Del Mar. Thank you. Oh, Believe. prochaine.